yawe ye moko kisina bilaka kembo na yawe ye nde zambe na nguya Gloire à l'Éternel, à lui l'honneur et la puissance. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est fidèle à toutes ses promesses. Gloire à l'Éternel, à lui l'honneur et la puissance. Alléluia, gloire à l'Éternel, louange à Jésus, il est fidèle à toutes ses promesses. Gloire à l'Éternel, à lui l'honneur et la gloire. Gloire à l'Éternel. Jésus, puissance à Jésus, il est fidèle à toutes ses promesses. Gloire à l'Éternel, à lui l'honneur et la puissance. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est fidèle à toutes ses promesses. Gloire à l'Éternel, à lui l'honneur et la puissance. Oh, Akumama, Alléluia, Akumama. Oh, Jésus, aïe, aïe, belle, papa, yo, yo.